Les douze chasseurs. Les frères Grimm. Il était une fois un fils de roi qui avait une fiancée qu'il aimait beaucoup. Et tandis qu'il était assis à ses côtés, tout heureux, il arriva la nouvelle que son père était mourant et qu'il désirait le revoir avant sa fin. Il dit alors à son aimé : « Je dois partir et te laisser. Je te donne une bague en souvenir. Quand je serai roi, je viendrai te chercher pour te ramener chez moi. » Puis il prit son cheval et s'en retourna auprès de son père qui était gravement malade et proche de la mort. Il lui parla ainsi. « Bien-aimé fils, j'ai voulu te revoir avant ma mort. Promets-moi de te marier selon ma volonté. » Et il lui désigna la fille d'un roi pour qu'elle devînt son épouse. Le fils était si affligé que sans y penser il déclara « Oui, cher père, il en sera fait selon votre volonté. » Là-dessus, le roi ferma les yeux et rendit l'âme. Maintenant que les obsèques et le deuil étaient passés, le couronnement approchait et le fils devait tenir la parole qu'il avait donnée à son père. Il se laissa fiancer à la fille du roi à laquelle il avait été promis. Sa première fiancée, l'apprenant, s'attrista de tant d'infidélité et faillit mourir. Son père lui parla alors. « Cher enfant, pourquoi es-tu si triste ? Ce que tu souhaitais, tu peux l'avoir ?» Elle s'observa un instant et dit « Cher père, je voudrais 11 filles dont le visage, la tenue et la taille soient parfaitement identiques à moi-même. » Le roi déclara alors « Cela est possible, ton vœu sera exaucé. » Et il fit chercher dans tout le royaume, aussi longtemps que nécessaire, les 11 filles qui lui ressemblaient par le visage, la tenue et la taille. Alors qu'elle se rendait chez la fille du roi, celle-ci fit faire 12 tenues de chasseur, toutes identiques, et 11 filles purent s'en vêtir ainsi qu'elle-même. Puis elle prit congé de son père et galopa en compagnie des 11 autres filles vers la cour de son ex-fiancé qu'elle aimait tant. Une fois rendue, elle demanda s'il avait besoin de chasseurs et s'il ne souhaitait pas les prendre tous à son service. Le roi, la voyant, ne la reconnut point, et comme il s'agissait de belles gens, il accepta et ils devinrent les 12 chasseurs du roi. Mais le roi avait un lion qui était un animal étrange et merveilleux, car il percevait ce qui était déguisé et secret. Il s'arrangea pour qu'un soir il parle au roi. « Tu prétends donc que tu aurais là 12 chasseurs ?»« Oui, affirma le roi, ce sont 12 chasseurs. » Le lion ajouta « Tu te trompes, ce sont 12 filles. » Le roi rétorqua « Ce n'est pas vrai, comment veux-tu me le prouver ?»« Oh oh ! Fais répandre des lentilles dans ton antichambre, » répondit le lion, « et tu verras bien. » Les hommes ont un pas ferme lorsqu'ils marchent sur des lentilles. Aucune ne bouge, alors que les filles qui trottent et trottinent font rouler les lentilles. Le roi suivit volontiers le conseil et fit répandre des lentilles. Mais il y avait un serviteur du roi qui était ami des chasseurs, et lorsqu'il entendit qu'elle devait être mise à l'épreuve, il se rendit auprès d'elle et leur raconta tout ce qu'il avait entendu. « Le lion veut prouver au roi que vous êtes des filles. » La fille du roi le remercia et s'adressa à ses jeunes filles. « Agissez avec autorité et foulez fermement les lentilles. » Quand, le lendemain matin, le roi fit appeler à lui les 12 chasseurs dans l'antichambre où il avait fait répandre les lentilles, elles foulèrent si fermement, en ayant une si ferme allure, qu'aucune lentille ne roula ni ne bougea. Puis elles partirent, et le roi dit au lion « Tu as menti, elles marchent comme des hommes. » Le lion se défendit. Elles ont su qu'elles devaient être mises à l'épreuve et ont pris une démarche autoritaire. Fais mettre 12 rouées dans l'antichambre, puis fais-les venir. Elles en seront toutes joyeuses, ce qui ne serait le cas d'aucun homme. Le roi suivit le conseil et fit installer les rouées dans l'antichambre. Le serviteur, qui était loyal avec les chasseurs, les rejoignit et leur dévoila le piège. Lorsque la reine fut seule avec ses jeunes filles, elle ordonna « Faites-vous autoritaire et ne regardez pas vers les rouées. » Quand, le lendemain matin, le roi fit venir ses 12 chasseurs, ils traversèrent l'antichambre sans un regard pour les rouées. Le roi signifia au lion « Tu m'as menti. Ce sont des hommes, car ils n'ont pas regardé les rouets. » Le lion se défendit. « Ils ont su que vous vouliez les mettre à l'épreuve et se sont fait autoritaires. » Mais le roi ne voulut plus croire le lion. Les 12 chasseurs suivirent régulièrement le roi à la chasse, qu'ils en furent à la longue très appréciés. Il advint, alors qu'ils étaient à la chasse, que la nouvelle les atteignit que la fiancée du roi serait en habit de noces. Quand la vraie fiancée entendit cela, elle en fut tellement blessée que son cœur faillit se rompre et elle s'écroula sur le sol. Le roi pensa que son chasseur préféré était blessé, courut à lui pour l'aider. Il lui ôta son gant et aperçut la bague qu'il avait donnée à sa première fiancée, et après l'avoir dévisagée, la reconnut. Alors, il en fut si ému qu'il l'embrassa, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, il lui annonça. « Tu es mienne, je suis tien, et personne au monde ne pourra le changer. » Il envoya alors à l'autre fiancée un message, la priant de s'en retourner dans son royaume, car il avait déjà une épouse. Celui qui a retrouvé une ancienne clé n'en a pas besoin de nouvelles. Là-dessus, les noces furent célébrées, et le lion revint en grâce, car il avait dit la vérité. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.